L'actualité à Nancy et ailleurs. J'ai pas de place ici. C'est le nom d'une scénette qui sera jouée à l'occasion d'un théâtre forum ce samedi 30 septembre au château de Lunéville. Un théâtre forum qui s'inscrit lui-même dans une journée migration et citoyenneté. Pour nous parler de ce théâtre forum Amstram Man, Catherine David, membre de l'animation du MAN, Mouvement pour une alternative non violente. Effectivement, nous allons proposer donc dans le cadre d'une journée qui est autour de citoyenneté et migration, nous allons proposer un atelier théâtre forum sur le principe de ce que pouvait faire Augusto Boal. Donc à savoir, nous allons jouer une situation conflictuelle et à partir de là, nous allons rechercher collectivement, on va dire, des solutions. Le théâtre forum, si vous voulez, c'est un outil au service de la régulation non violente des conflits. Et cette régulation non violente des conflits qui est importante pour nous, qui fait partie de nos objets de réflexion et de travail au niveau du MAN Nancy. Donc tout cela va se passer en fait lors de la quinzaine de la non-violence, puisque du 21 septembre au 2 octobre, il s'agit de la quinzaine de la non-violence que nous réalisons donc tous les ans. Là, on est sur un thème qui est, on va reprendre au-delà des peurs et des colères, place pour la rencontre et le dialogue. Donc dans ce cadre, nous proposons cet atelier, hein, donc il va se dérouler le 30 prochain. Oui. Donc le samedi 30, de 14h30 à 15h30. Donc il se déroule au château de Lunéville, dans la partie chapelle, je crois, du château. Et donc tout au cours de la journée, des débats, des échanges autour de ce même thème qui est donc citoyenneté et migration. Voilà, donc il y aura plusieurs rendez-vous aussi au cours de la semaine. Pour ce théâtre forum, donc c'est à partir de 14h30. Pour celles et ceux qui n'auraient jamais assisté à un théâtre forum, comment ça se passe sur place? On arrive, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? On va commencer en fait par accueillir les personnes qui nous feront l'honneur d'être présentes. Et on va pouvoir présenter, justement, expliquer ce dont il s'agit. Et nous démarrons par quelque chose du type échauffement, puisqu'en fait, on va dire que ce sont des spect-acteurs. C'est-à-dire, toutes les personnes ne restent pas sur leur chaise pendant l'ensemble de la présentation. On va avoir des temps où une scénette va être jouée une première fois, complètement, et ensuite la scénette va être reprise, si vous voulez, et les personnes vont pouvoir remplacer des acteurs, faire des propositions, essayer d'améliorer la situation qui concerne là justement un étranger, une étrangère qui est en déambulation dans une ville. Il se passe différentes choses au cours de sa journée. Il y a des choses qui sont globalement très insatisfaisantes. Et donc, on va proposer aux personnes de nous trouver des attitudes, des comportements, des relations qui pourraient être plus satisfaisantes, notamment du côté en fait, du lien, de la rencontre, etc., au quotidien, dans notre vie sociale, aux uns et aux autres. Qui va permettre effectivement de développer une coopération entre les personnes présentes et de voir qu'effectivement différentes petites choses peuvent permettre peut-être des rencontres davantage bienveillantes dans notre monde et dans notre société. Ça se passe samedi. Je vous laisse redonner où est-ce que ça se passe et puis à quelle heure on se donne rendez-vous. Alors, pour le rendez-vous, donc bien sûr, c'est toute la journée de 9h30 à 17h pour les personnes qui seraient intéressées pour l'ensemble de la journée. Sinon, par rapport à l'atelier théâtre forum donc qui s'appelle Amstram Man, on peut se retrouver donc de 14h30 à 15h30. Donc, ça sera dans la partie chapelle, normalement, du château de Lunéville. Et on peut retrouver bien sûr tout ça sur Internet, notamment sur la page Facebook du MAN Nancy. Eh bien, écoutez, voilà. Je vous remercie beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.